Vous êtes à l'écoute de Radio Crèze Braise et vous retrouvez tout de suite Hentar Brezonak, présenté par Henri Lenaou, Morgane Large et Anne Le Brigand. Bonjour, vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonak. Aujourd'hui, c'est l'émission Trirando à Unterkorn. Alors, comme d'habitude, on commence par Gariu Arvui. Voilà, alors 359. Et on va continuer notre petite promenade dans le potager. C'est une bonne époque pour faire ça. Donc, on était allé dans le carré de patates l'autre fois. Mm-hmm. Alors, toujours quelques mots, quelques noms de légumes comme ça. Alors, je rappelle que les noms de légumes, ce sont des collectifs. Hein. Donc, en breton, c'est toujours c'est un pluriel en quelque sorte. Hein. On dit pas... les carottes, pas une carotte. Les carottes, ça. Hein, après, on peut faire des singulatifs à partir de ça, mais en général, on emploie le collectif. Alors, par exemple, col, donc choux, ce sont des choux. Hein, quand on va dire col, des choux. Et si on veut dire un chou, on dit orgolen, hein, mais ça s'emploie très peu. Mm. En fait, on dit col. Hein, zermes col, j'ai ramassé du chou, des choux. Voilà. Et bon, il y a beaucoup d'expressions. Alors, ça vient du latin colis, hein, qu'on va retrouver dans... On trouve souvent cette racine col. Hein, bon, en anglais, c'est pareil. Hein. Et on retrouve, alors en ancien français, c'était col, hein, voilà. Et on trouve ça dans colza, par exemple, hein, colza, qui est un nom du Nord, qui veut dire un chou semé, en fait. D'accord. Parce que c'est la même famille, c'est ça, les crucifères. C'est la même famille, c'est les crucifères, oui. Qu'on appelle aujourd'hui les brassicacées, parce que brassica, c'est le chou en latin, voilà. Et en breton, on parle souvent de trejungol aussi, hein, le trognon de chou. Hein, ce qui désigne la clarinette, parce que les choux à vache ont cette forme, enfin le tronc de... Un grand pied, ouais. Un grand pied, hein, comme une clarinette. Et, mais ça marche pas. Mais, si on... Tu as essayé, Henri. Non, mais... mais enfin, c'est vrai que très jeune goal. Hein. Et d'ailleurs, dans le pays gallo, ils disent tronc de choux aussi. Hein. C'est la même chose, hein, tronc de choux. Voilà. Alors bon, toujours dans les légumes. Alors il y a un légume que, enfin, j'aime bien le nom en breton. C'est d'ailleurs c'est un nom qui ressemble au nom en français. C'est chalotes. Mm-hmm. Chalotes, c'est vraiment un symbole de. Pour moi, c'est un symbole de l'ancien temps, parce que mon grand-père mangeait les échalotes comme ça. Une échalote le matin sur le pouce avec une dextérité. Parce qu'il fallait que l'échalote soit découpée sur le pain, pris entre le pain et le pouce, sans qu'une miette ne tombe. Ouais. Donc c'était l'échalote à 10 heures, alors on en consommait beaucoup. Hein. C'était vraiment un légume essentiel à cette époque-là. Voilà. Et alors là, justement, bon, bah, échalote, c'est le pluriel, enfin le collectif plus exactement. Et pour une échalote, on disait « penchalotes », une tête d'échalote quand même. Voilà. Et alors ça vient de le nom vient de d'Ascalonia qui était Ascalon, hein, qui était en fait enfin du latin Ascalonia qui vient d'Ascalon, qui était une cité d'Asie mineure autrefois, c'était de Syrie en fait, oui, de Syrie, une cité de Syrie. Je pense que ça devient maintenant, c'est pas le moment d'aller voir. Et donc les échalotes, ouais. Alors les échalotes, l'échalote se reproduit par voie végétative, hein, et pas par semis. Alors il y a des gens qui ont trouvé un système pour faire des échalotes de semis qui sont en fait des oignons qui ressemblent à de l'échalote, et il y a tout un conflit là-dessus. Des oignons pointus, mais qui ressemblent un peu à de l'échalote. Mais qu'ils appellent échalotes de semis, mais c'est une contrefaçon en fait. Et donc, bon, les producteurs d'échalotes essaient de faire reconnaître, parce que ça coûte beaucoup moins cher de les faire par semis, hein, essaient de faire reconnaître la spécificité de l'échalote. Voilà. Alors, l'oignon, lui, on l'appelle oignon, hein, tout simplement, hein. Et il y a des oignons qui sont réputés en Bretagne, comme l'oignon de Roscoff, hein, l'oignon rosé, voilà, qui a obtenu une appellation d'origine, une des premières dans le domaine des légumes. Donc, on y en a. Mais c'était moins populaire que l'échalote. Hein. Bien. Alors, toujours bah, dans la même famille, hein, l'ail. Alors, l'ail a un nom assez particulier en breton, il s'appelle quignon. Et ce quignon-là, c'est une, C'est une vieille racine celtique qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, et qui désigne, en gallois, ça désigne le poireau, en fait, hein, parce que c'est des plantes qui ont un peu la même... et les jonquilles également. La même allure, quoi. Ouais, voilà. Et vous voyez, c'est les feuilles allongées, hein, bon, des feuilles de monocotylédone typiques, hein. Donc la racine on la trouve, mais pas forcément pour les mêmes plantes, mais des plantes qui ont un peu la même allure, quoi. Voilà, l'ail. Alors il y a des os, puisque au pluriel c'est des os, hein, avec AULX. Il y a des os qui sont cultivés, et d'autres qui sont sauvages, comme l'ail des ours. Hein. Mm-hmm. L'ail des ours qu'on trouve en abondance, par exemple dans la vallée du Perrier. C'est un peu le symbole de la vallée du Perrier quand on fait le jardin, enfin le sentier botanique, en fait. Ouais. Et on trouve l'ail des ours en très très grande quantité. Hein. Donc un ail qui a des feuilles un peu comme du muguet, quoi. À voir, il ressemble au muguet, quoi. C'est où la vallée du Perrier? La vallée du Perrier, c'est entre Kermoroc et Landébeyran. C'est un très bel endroit, une très belle promenade, hein. Et donc il y a un sentier qui est tout long. Et donc il y a une association qui s'est créée et qui a mis en valeur ce sentier, enfin qui l'a nettoyé, hein, depuis pas mal d'années maintenant. Hein. Et puis c'est joli, il y a une petite chapelle au milieu, il y a une petite crêperie à peu près à mi-parcours, c'est ouverte le dimanche en été, quoi. Ah oui, c'est un très bel endroit. Et ça finit sur un étang, près d'un moulin. Et voilà, et ça finit sur un étang à Landébeyran. Ouais. Ah oui, c'est une très belle promenade. Et il y a de l'ail des ours. Hein. Voilà. Alors, pour finir aujourd'hui, peace. Hein, peace, alors c'est pareil, un mot collectif. Hein. Donc, le poids. Hein, peace. Et ça vient du latin pisum, hein, donc il y a toutes sortes de poids sur la, parce qu'il y a d'autres types de poids comme le poids chiche, hein, cicère en latin, qui a donné le nom de Cicéron par exemple, hein, parce que son nez ressemblait à un poids chiche, paraît-il, c'était un surnom. Et le poids, donc pisum, hein, alors on pourrait parler longtemps du poids, quoi. C'est la génétique a été découverte grâce au poids, hein, puisque Mendel, hein, donc avait travaillé sur les pois. Et la couleur des fleurs. Voilà, ouais. Voilà. Et donc le pois. Alors le petit pois, c'est l'une des composantes d'un plat très important autrefois qui était la macédoine. Ah oui, jambon macédoine. Avec la mayonnaise. tous les repas de noces commençaient par jambon macédoine. Ah oui, mais c'était très long à préparer, hein, une vraie macédoine. Hein, c'est pas sorti de la boîte, et puis non, c'était, fallait préparer ça dès le matin de bonne heure. Et vraiment, c'était, et on se régalait, hein. Ouais, on se régalait beaucoup. Donc la Macédoine, hein, donc qui est un pays dans les Balkans là-bas. Voilà. Alors bon, quelques mots sur le poids, hein, pis glass, hein, pis cross, c'est les pois secs aussi, donc qu'on utilise dans certaines préparations. Bon, et ben la prochaine fois on. Le coco est un, non, n'est pas un pois. Ah non, c'est un haricot. Ouais, oui. Le coco qui a aussi une appellation d'origine contrôlée, quoi. Comme les échalotes. Oui, non, comme les oignons de Roscoe. Comme les oignons de Roscoe. Pas les échalotes encore, mais ça vient. Bon. Voilà, il ne faut pas tout mélanger dans la macédoine. Sinon, on va faire du mescagin. Ouais. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, Henri. Thank you. Alors aujourd'hui, donc, on poursuit la visite de la chapelle de Kerizen, donc chapelle Zanderne, avec Iwan et Chandik. Alors on les écoute. Amahom dirak ar chapelle. Ya, amahom dirak Nordal. Digor et Nordal hudu, mais Hendel ne veut digor n'aimait de Nord gosté. Or chapelle gourne. Ah ya, a galer zo brotri, gant tout d'or goué trop adro. Or chapelle gosé. Ah ya, tos de bem quand l'asso a bezavet, gant men grand de zovro. Eure gos la bourremad, me mestra. Amahom baveret. Ya, chomera o ne peut beyo. Au chômage, croise de ce nom Zorgos. Pesers en main, zo roman, us dans Nordal. Ah, his is en derne, patron d'or chapel. On est zo bandi à Bars, mais dans Bars, la peut soin de Chandik. Dans Bars, oui. Voilà, donc on passe à la traduction maintenant. Ouais. Donc, pas de difficulté particulière. En moron, dira gar chapelle. Voilà, ici nous sommes devant la chapelle. Alors c'est la forme de situation, mais chez nous on la prononce rapidement, si bien qu'on n'entend pas un mom, quoi. On entend en moron, dira gar chapelle. Ya, en moron, dira un ordal. Voilà, alors ici nous sommes devant la porte, alors c'est la porte de façade, c'est-à-dire c'est celle qui se trouve sur le pignon sous le clocher. Donc, qui est celle qu'on utilise que dans les grandes occasions, quoi. C'est ce qu'il explique après. Digoré en ordal, udu, men hendal, neve digoret, ne men orgusté. Voilà. Alors, aujourd'hui, la porte donc de façade est ouverte. Hein. Digoré en ordal. Alors, tal, c'est le front. Hein. Ordal, la porte de façade. Men hendal, neve digoré, ne men orgusté. Mais autrement, on ouvre que la porte de côté. D'ailleurs, qui était souvent très importante aussi, parce que souvent il y avait le porche à cet endroit-là, qui était un endroit important pour la communauté. Et les fabriques. Et les fabriciens, voilà. Alors, chapelle Gwane. C'est une jolie chapelle, alors chapelle Gwane. Hein. Ya, agel l'air zo braoutré, gant ar gouetro wardro. Voilà, et l'endroit, l'air zo braoutré, est très beau aussi, hein, très beau, gant tout d'or gouetro wardro, avec tous les arbres tout autour. Alors, chapelle gauze, demande Chandik. C'est une vieille chapelle. Ah, ya. Tos da pem kan vlaso, et bet zavet gant mengren de zavro. Are gauze à la bourre mat, memestra. Voilà. Ah, ya. Tos de ben kan vlaso, et bet zavet. Il y a presque 500 ans qu'elle a été levée, zavet, construite. Voilà. Gant mengren de zavro, avec du granit du pays. Mengren, le granit, hein. Are gauze à la bourre mat, memestra. Les anciens travaillaient bien quand même. Comment on va verret, demande Chandik. Voilà, ici nous sommes dans le cimetière, alors vert de cimetière. Yo, ya, chomara, ne but beyou, ou chomaman, roas, de zonam tergous. Ya, chomara, ne but beyou, donc il reste quelques tombes, ne but beyou, un petit nombre de tombes, ou chomaman, roas, il répète le verbe rester, hein, qui reste encore. Du vieux temps, de Znam Zorgos, parce qu'on n'enterre plus dans ce cimetière-là, on enterre au bourg maintenant. Peserzandmein zo roman us de Nordal. Ya, Peserzandmein zo roman us de Nordal. Alors, quel saint de pierre il y a ici, au-dessus de la porte de façade, quoi. Us de Nord, hein, au-dessus de la porte. Zandmein, hein, alors il y a plusieurs mots pour les statues, hein, Telven. Skeuden, on dit aussi. Mais Zandmein, là, c'est une statue en pierre. Hennes Zandern, patron de la chapelle. Hennes Zandern, c'est Saint-Ternin, le patron de la chapelle. Enel Azo, Bandi Abars. Voilà, il y en a un autre à l'intérieur. Un autre Saint-Ternin. J'espère qu'ils se ressemblent. Sinon, les paroissiens seront déroutés. Mais Dambars va peut se rendre, Chandik. Mais Dambars, hein, allons dedans, hein. Entrons donc, si vous voulez, Chandik. Dans Mars, Noé. Allons-y, rentrons, entrons. Et donc la prochaine fois, on verra un peu l'intérieur. C'est dommage qu'on n'a pas la télé, parce qu'on pourrait montrer aux gens comment c'est. Quelle tête a Zandherne ? Voilà. Ah, Zandherne a une tête très, très classique. Hein. Ah, bah oui. Ouais, un peu, il est barbu comme ça. Un peu... Mais il vient d'arriver à la boîte. un peu sévère, hein. Il est dans la vallée des Saints, ça y est. Oui, oui. Ah oui, j'ai pas fait attention à celui-là. Oui, il faudra que je retourne voir. Troisième partie d'émission, Eri Petrazone Vervro. Petrazone Vervro, quand je trouve et veux juste boire, vais-je dire aux hommes. Grogum de Diantan, grand de l'arbre d'Oua, agarvu et war armés et vel custume. Tramène des brèmes un an, et ruon brèmes ben discarambs. Presti que vous roules de zéri et maïs, agabetraves, de grand bouette de londe, pas de guan. Quand je dute, les hommes blancs roises bavoir vulette. À Balocarn, NDL, Ewa, Orfoire, Orfoire mot de cause en temps, à Gazis au Bécal Zedut. À Prestic, vous, voire Djerien, à Guénon, vous, Guel, Calzedut, à Calzelonde, Ross. À Calzediezek, Tritol. Bamur, Zobédiv et Orvoir, Guelrez au Calzevoir et au Bavro, voir Biozone, Zobécrou et Seislo Arnugenzo, et Vidisquis, toute pièce végrède, ou ardachen l'arbre d'ou arbio, avoir un mot de veille, gan doujans de zenendro, à spendo hanstar le waen, au tisquez bep sortro, à trisig mille dut, zo bet au velouze de sclevet, à gulerit vecal ze dut au vond de vel de biozone des plats. Purion comes de zavoirio, leur spas zo bet de blam en roise, à spas ve ba kreiz mis gwen golo ba roazan. Ka voudra din ne ske bet de tiem de drouz blan me ganze, blan mo, an ket de ma trezen non drompan, ka redin vije kom ze mur de se, ur bla yo el. Ma trezen e bar mo de zo kude nou gant de l'arbor douar, hein, kude nou vel un afer dou ma peswant, petan man kude nou roaz gant kresk ne de zo hon de gaz war gwer. Prise bouée de châtel ou en quête et car Adine Evelius ou bête comme je ne tord de zé on dra avec comme je ne me stra de zé mur blanc et effet d'où un OGM ou hier et d'un dut ou hier et de rare de commence mais plus dur un dut à garage les autres dans ce trait ma très un nom que tu ne m'as vu hier et d'un dut ou en que pèse un mot de vos comptes. Qu'à Azuroir, Arre en Montem, direct au Nafer Yeret, Vel Afer Guad, Pé Afer en Amiante, à Gouscou des Azuroir, Voster d'un Trou, Vide Harzé, Pudur, Evel Juste, Stalio Bras, Neskalzer, de Rastelet, ou à Nafer Noren GM, et. Ou à l'aide vos Pessamos, vos connes. War armes, pe on comes de bu war armes, on de bouez et digora dire chassé. Un DL, ou digora dire chassé, ag ou vige cleve de chassourien, ag chache, ou va les traire parcou, au forale ou à l'air, on nifle, pe ur geden, pe long de tête. Pe oan yao, oa ive klujuri, ba par keia, mais de vraiment neus ke kalstin deus beus klevet, mais reveleus ke de neu ba de o rog. Parce que bewel klujuri blanc me matrezen, non, vek gwelet kalz. Brevans ezo wardro ur million de chassourien. Pezera benefin de ze brevans ur vrodiant an bro Europa evit de chassourien. Hag war ariz zo daou dregan zo meret. Hag an se gwell arid chasse zo tientor a far a botret. Ne ske kalz ver an vond de chasseian. Ba departement d'eau de Narvor zo wardro daou zo mil chassour. Bon, peseur long de velar et gant de chassourien, gwellet meus a bedon zou et gant zi, et a houlme de velar et a muon. A houlme de pire, pichon de velar de blasso. Plus dur de zoriz, ba département, velar et gant mil bepla, zi a be obern. Hendel ve chassé, vini ve honiflet, pe lapine ma peson, mais je me sclève de ne ce que cause de cette île ou ce que des hommes de drôle de bourg à zo ne pas mat mais hendel me sont de ne ce que cause tien gousco des péwanio mais voilà un de zaris hein pas vrai en bon tramenra en zo dernel de ce chassou il y en a gav gueller chassal morgui pé lerne vejo pé jour droit Youhad velar de chevreuil in galak hag vejo in brezon de velar de chevreuil. Ya, mais youh e sans en a hand de lond. Blas ou vekav d'ive kirvi, hein, kirvi rinso in galak velar de serf de zrins, aizo o neub amad bavro am ze vijek gwel kaz alis. Gwejel, vijek gwel ze, men bremont vek gwelet. Bon, a dit vous ator vaud evel juste nomzor de chassiel rievlek rievlek vela bekas in galaga ah non non que des rues ma pauvre non non zizo dit vous ator a que vi chassi al tout de long se fait une pli je peux sorte chache hein chache de chompose pe chache de haloupa il y a chache de chompose vel un épagnol, hein, un épagnol et qui brocalag, hein, pire CTR, ouais, c'est un beau, à Hindel, au charge de Halou Paloalair, l'on est. En dans, comme son temps de se politiquer, c'est vraiment, change mode. Très grand de l'assaut, ou habite Krog, stade Broal, de Zigrey Zénan, de la radée de Raygon Tom Galout de Randvroyo. Hag Roxy, hag boue roué, ouais, tout d'or galou de oua, Kreizine de Paris. Mais de là, pour dit Kreizine, eux au stert, plus dur et chôme pont normat, puis un histoire, hag une idéologie jacobine, et vel juste. Hag PV classe dit Kreizine, et vel juste, et stert, hein, plus dur. Politico, il y a une calznez aux jacobines, hein, jacobines de Gwen, jacobines de rue, à même aux jacobines de glace. Puis ce jouet, ils ont tant, mais, bout de saut, à jacobines du, ma, hein, mi, ou armi. Bonne, c'est tu pereg, et d'y est, change un trou, ag, vraiment, voilà, red, bah, rendre vos braises avec l'asque de Jean Jalouarzé on temps, vie monde, pis sa monde, mon warog. Mais Alice, pis avec comme je te dis grise, non? Vé gré d'or gamma de warog, ago gamma de drin, vel tango, pis Paul Kaplin, ma personne, hein? Mon de drin à mon de rog, vel arrêt, vel grand Marcel Billouz, hein? Ag, bah, gouvernement de Brohal, vraiment, Marie-Lise Le Branchu, zo une carte, de ze là, pour dis grise, non? Ag velmezlar etar ba kuzul randvro breiz manio labour a doar an dan vezen. Met a bremañ ne meus ket klev kom skal de ze zivena dur ur vro met ma trezen o vo an draig benek et war zi me meus tra. Zon joen de gomz dar de ze afer louan eng dre ar munud met nan ket d'or ket dur an aion skuiz pe heugen ma meus gant an afer ze benefit. Plus dur pez me soin de l'art de braise en moi au neubet bugrale ne calse, mais dans neuf zo me mestra, ag zo tiski brezon ag baskol, ag vuga les un, dem jonge, glefe boun meulet, zikouret, enoret, puis dur gante mon âme zor de zon vidor vro et vel juste. Tout d'heure spi zo vidor vro ame zo tre dawarn vuga les un. A petra vegret, ne que zé tambet, au bord vis falde en muant ve moyenne, manifesti en abde, vel wabet balouan agen tel, dilo jaune, dipeder gwege blanc, la canet de rostudi bano, au rose lo chantier beneket, a zime me stras au trau eusus. C'est tu pereg ne meus que roi de l'art tout peso bitram le daba, balouan aga balerel, ka lerel zo cudin ouem. À part de Namzer, ze veklet, penou bras, ze vro, robber, discours, yoker, war guiriou mabden, war zevenadur, war un identité les, hag benefin, un trouchon ma bourde d'un. Gwelleran Morgan, zo homme, hag zo conte, mais gwelle, chede, me mestra, evel chus, la, un trou, vel moigne. Bon hindel, bon zotro plus juste, on a pas mal de dudes, zo rat croc, de ziski brezon, de glambe, wardro pe mildin, zo heuil hintel yunons, on tombe pe blair, bah, à tos tombe, hein, bah pur de vegret, à bah pong de vescon, muskuel, à bah kala galerel, à bon zizo andravard, bon pe mil dudes, zinik kaz d'aura, futur, braisan, zo 3 millions de dudes, mais bon, des crogi un homo de pedel. Hendel, zo calze drau bavro, un non drame, hein, bagat gwengam zo lid en deugen de diabla, calze drau, calze goel yuzo, c'est tu même strav, on tombe plus jade roise bavro. Bon, c'est tu asi, on tombe de spessonné ve bavro, ag l'ar et randar qui n'avo et tien orvégel. Qui n'avo et c'était Henta Brezon qui vous a été présenté par Henri Lenaou, que vous retrouvez chaque mercredi à 17h et chaque samedi à 10h30.